Chapitre 1. Qu'est-ce qu'un pirate? 3. Introduction. Lupin d'Elric. Chapitre 1. Qu'est-ce qu'un pirate? C'est un geste courant, banal. Glisser une cassette vierge dans un magnétophone et presser sur la touche enregistrement pour capter sur la bande FM un tube à la mode. Pour autant, ce geste fait-il de son auteur un pirate? Bien sûr que non, c'est légal. En revanche, toute personne qui se rend sur CASAA ou tout autre système d'échange de fichiers via l'Internet et télécharge le même morceau au format MP3 pour l'écouter depuis son disque dur sera accusé de piraterie par l'industrie du disque. De la même façon, il est strictement interdit de dupliquer le dernier Harry Potter, mais autorisé de copier la religieuse de Diderot, dont l'œuvre est dans le domaine public. L'ambiguïté est similaire avec les médicaments. Pirate, le laboratoire indien Cipla, qui produit des traitements antirétroviraux contre le sida en copiant les molécules des firmes pharmaceutiques occidentales pourtant protégées par des brevets? Non, car la législation indienne n'en reconnaît pas sur les médicaments. Cipla est donc une entreprise légale au regard de la loi de son pays. En revanche, que Sanofi Aventis décide de copier la ZT, dont le brevet appartient aux Britanniques GlaxoSmithKline, pour le commercialiser en Europe à bas prix, et un procès pour contrefaçon est assuré. Ces exemples symbolisent toute l'ambiguïté du mot « pirate » qui, décliné à l'envi par les titulaires de droits d'auteur, de brevets ou de marques, sert de repoussoir. Notion variable dans le temps et dans l'espace, elle le devient même au gré des interlocuteurs. Les producteurs de disques évoquent la piraterie d'un internaute qui télécharge une chanson sur CASAA, mais pas la d'AMI, société civile qui collecte pourtant une partie des droits des artistes-interprètes. Cette dernière y voit un usage aussi légal que l'enregistrement d'une chanson à la radio. Cette versatilité chronique démontre que l'on est bien loin d'un monde en noir et blanc, où les gentils copieurs seraient parfaitement distincts des odieux pirates, et ce, pour l'éternité. Ce n'est pas un hasard, juste la preuve que la contrefaçon n'a rien à voir avec le vol et la propriété intellectuelle avec la propriété tout court. Un voleur de poules est peu ou prou considéré comme un voleur de poules du Japon à Madrid, au début du XVIIIe comme aujourd'hui, et l'âge du gallinacé n'y change rien. Un copieur, en revanche, peut ou non être un pirate selon sa nationalité et l'époque où il vit. La propriété intellectuelle définit un monde mouvant, plastique, propice à un débat sans cesse renouvelé autour d'une question fondamentale. Qu'est-ce qu'une copie légitime? Ce débat même que gouvernements et industries de la culture et de la connaissance tentent de court-circuiter aujourd'hui par leur réforme unilatérale d'un régime ainsi menacé de déséquilibre.